Une vie après l'océan. Vague de lassitude. L'âme de désuétude. Profondeur des habitudes. Rocher de nos solitudes. Abîme de nos certitudes. Froideur de nos ambitions, transparence de nos réflexions, naufrage de nos illusions, boussole de nos émotions, risée de nos possessions, écume de notre colère, horizon de nos pères, rivage de nos mers, estuaire de nos terres, de nos coutumes, courant de nos pères, d'amertume, rivage de nos mères, estuaire de nos terres, amer de nos coutumes, courant d'amertume.